ce dont je suis sûr, par contre, c'est qu'on a fini les nouvelles entrées. Il y en a 6 en tout. Déjà, on a c'est fini? Ben oui. Et quand on finit d'écouter les nouvelles entrées, il faut dire au revoir à ce qui est parti. Hein. Donc, on parle de Rest in Peace. Moi. Voici les pièces qui nous ont quittés depuis les précédents palmarès. J'ai roulé dans le noir, Satan dans mon miroir. J'ai roulé dans le noir, Satan dans mon miroir. En dedans de mon char. Mets de la paillette, une belle grosse wave dans le toupette. Un autre ceci, un bungalow dans Graceland. Femme d'Elvis, Memphis qui débarque, Memphis des coulisses. Un bon ego. 15, 20, 30 livres de trop. Rentre fait dans sous en way. Bouge comme le king en way. Bouge, bouge. The decadence of decay. I still think of you and all the shit you put me through. And I know you were wrong. I still think of you and all the shit you put me through. And I know c'était des extraits des pièces qui ont quitté les palmarès C'est fou depuis l'édition du 18 au 24 novembre 2013. On a donc dit au revoir à Louis-Philippe Gingras et la pièce Rouler dans le noir. Ben c'est ça qui arrive quand tu roules dans le noir, tu frappes un mur, tu restes juste 3 semaines. Et c'est pas long, ça. C'est pas long donné, ça. C'est pas grave. Non. on l'aimait pas tant que ça. Lila dit ça avec Tennessee qui a duré 8 semaines. Ensuite, on a dit au revoir à Jason Bayada et Armée de Montgolfière qui est resté 7 semaines. Ensuite, la pièce qui a duré vraiment le plus longtemps cette semaine, c'était Les Frères Goyette avec Gros Buck, 9 semaines. Quand même. Ensuite, c'était Miss Mister avec Think of You qui est resté aussi 7 semaines. Et on a terminé avec Australia Painful Like qui a quand même duré un bon 6 semaines. Et voilà. C'est tout pour parler de Rest in Peace. Au revoir. Bye. Oui, on se revoit dans la chronique C'était fou dans 5 ans. Hey, Colin,